Phrase 19, activation dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le texte deux fois. En classe. 1. Alors, tout le monde est là? Il ne manque personne? Si, il manque quelqu'un. Marie-Laure est absente. Elle a mal à la gorge. Deux. Alors, vous avez beaucoup de travail? Oh là là, oui. Ce n'est pas le travail qui manque. Ah. Alors, tout le monde est là? Il ne manque personne? Si. Il manque quelqu'un. Marie-Laure est absente. Elle a mal à la gorge. Deux. Alors, vous avez beaucoup de travail? Oh là là, oui. Ce n'est pas le travail qui manque.